Conte de fées en français. Prince Milan. Il était une fois, dans un royaume fort lointain, vivait un roi avec une barbe longue jusqu'à par terre. Kajota avait un roi puissant et le royaume s'étendait par-delà 5 rivières et 3 forêts. Le roi souhaitait visiter chaque mètre carré de ses terres et rivières pour vérifier par lui-même que tout allait bien. Ainsi, il voyagea pendant 1 an dans les coins les plus reculés de son royaume et quand il fut convaincu que tout allait bien, il voulut rentrer chez lui. Et ce jour-là... Le soleil est cruel aujourd'hui. Si on voyage à midi, on n'ira pas bien loin. Campons ici quelques heures jusqu'à ce qu'il fasse un peu moins chaud. Et nous reprendrons alors notre voyage. Soudain, le roi fut pris d'une soif immense et si intense qu'il pensa qu'il pourrait mourir s'il ne buvait pas vite un peu d'eau. Alors, il monta son cheval et partit en quête d'une rivière ou d'un lac. Il chercha longtemps et finit par trouver un lac avec une eau plus que bleue et qui étincelait comme le cristal. Le roi était assoiffé, alors il s'allongea au sol et lapa l'eau comme le ferait un chat. Après avoir bien bu, le roi voulut se relever, mais quelque chose retenait sa barbe avec force. Il vit sous l'eau un énorme visage tout vert qui le regardait d'en dessous. « Lâche-moi tout de suite, sinon tu en paieras le prix. »« Aucune de tes menaces ne me fait peur, car ici, sous l'eau, le monde m'appartient. Mais je peux te laisser partir à une condition. »« Laquelle ?»« Tu dois me donner la chose la plus précieuse que tu possèdes dans ton palais actuellement et dont tu ne sais encore rien pour l'heure. »« D'accord, je te le promets. » Suite à cela, le monstre lâcha la barbe du roi et le libéra. Le roi arriva enfin à son palais et fut accueilli en grande pompe et dans la joie. Sa reine l'attendait aux portes du palais. Ah, mon chéri, regarde vite, les anges nous ont bénis pendant ton absence. Notre fils, le prince de ce royaume. Tu dois me donner la chose la plus précieuse que tu possèdes dans ton palais actuellement et dont tu ne sais encore rien pour l'heure. Alors c'est ça dont parlait le monstre du lac. Il veut mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? N'es-tu pas heureux de voir notre fils? Oh, ma chérie, je suis fou de joie. Je suis si bouleversée que je ne sais pas quoi dire. Mon fils, le prince de ce royaume. Le roi ne parvint pas à dormir plusieurs nuits d'affilée, par peur que le monstre ne vienne prendre son fils chéri. Il s'assura que son fils soit bien gardé tout le temps. Mais les années passèrent et le prince grandit pour devenir un jeune garçon sage et courageux qui s'intéressait à plein d'autres domaines que les armes. Et le roi finit par oublier sa peur du monstre. Mais un jour, alors que le prince était parti camper dans la forêt, il fut séparé de ses camarades et se retrouva seul à explorer la forêt. Quand alors... Ah, prince Milan, le fils du puissant roi de Kajota. Je vous connais, monsieur? Pas toi, mais ton père, oui. Dis-lui que tu m'as rencontré et que j'attends toujours qu'il tienne sa promesse. Nous nous reverrons. En attendant, au revoir. Le prince parla au roi de cette rencontre étrange et le roi n'eut d'autre choix que de raconter à sa famille la promesse qu'il avait faite au monstre il y a des années, sans savoir que le monstre voulait son fils. En entendant l'histoire... Papa, une promesse est une promesse, et tu dois la tenir. Je me rendrai au monstre vert de moi-même. Mais mon fils, cette promesse n'est pas équitable. Est-ce vraiment le prix à payer pour quelques gorgées d'eau? Peu importe, maman. Une fois que la promesse a été faite, il faut la tenir. Et les choses ne sont parfois pas aussi terribles qu'elles en ont l'air. Je trouverai sûrement un moyen de...